Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, le 10 avril à 14h30 sur les ondes de la chaîne France 3, juin 44 vous présentera la Sybarite de M. Jean Hervé. Et maintenant, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, je vous dis bonsoir. Une grande pièce dans l'hôtel particulier des Clairembard. La comtesse, son fils et sa mère sont assis, chacun devant un métier à tricoter, et travaillent. Un quatrième métier est inoccupé. Je n'en peux plus. Je suis éreinté, abruti. Octave, mon chéri, faites un effort. Je vous le demande dans votre intérêt. Non, vraiment, j'en peux plus. Votre père va rentrer. Il est dans un de ses mauvais jours. S'il vous surprend à flâner, il fera encore une colère. Ça, on peut en être sûr. Les colères, c'est ce que ton mari réussit le mieux. Si je n'étais pas le rejeton d'une aussi illustre famille, j'aurais pu, au lieu de mener une vie de paria dans cette demeure historique, devenir employé de commerce, manger à ma faim, aller au café, au cinéma, sortir. Oh, être commis de magasin, valet de chambre, être employé du gaz. Je viens de tuer un chat. Je l'ai mis à la cuisine. On le mangera demain à midi. Oh, encore du chat. Ce sera la troisième fois que vous nous en aurez fait manger cette semaine. Vous pourriez trouver autre chose pour soutenir votre personnel. Vous êtes bien difficile, ma belle-mère. Pourtant, monsieur de Léré, votre époux tant regretté, ne vous a pas habitué à une trop bonne chère. La preuve en est qu'il m'a fallu épouser votre fille sans dot. Mais oui, sans dot! Sans un sou, sans même un trousseau ou une paire de draps. Au moins n'avait-elle pas de dette. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez l'air de sous-entendre? Allons parler! Hector, nous sommes pauvres, c'est entendu, et pauvre n'est pas assez dire. Mais nous n'en sommes tout de même pas réduits à manger du chat. Vous êtes idiote, ma pauvre femme, comme toujours. Mais pourquoi ne pas manger du chat? En 1457, mon aïeul, Onulphe de Clérembard, assiégé dans la place de Blémont, a mangé du rat et du hibou. Et croyez que s'il en avait eu à suffisance, il n'aurait jamais capitulé. Votre aïeul a été admirable. Mais je pense qu'il ne faisait pas son ordinaire de rat ni de hibou. S'il s'est résolu à en manger, c'est qu'il était assiégé. Mais moi aussi, je suis assiégé. Le château de mes pères a été vendu à l'encan, toutes mes terres y ont passé. Et dans le vieil hôtel des comtes de Clérembard, où j'ai dû me replier avec les miens, je suis assiégé. Par les créanciers, les huissiers, les porteurs d'hypothèques. Je me défends pied à pied à force de labeur, en espérant le miracle qui préserverait cette demeure de l'injure de tomber dans des mains étrangères. Si vous vendiez cette bicoque à courant d'air, où il n'y a plus de place qu'il en faut pour 50 personnes, nous pourrions enfin respirer. Bon, cette demeure est dans ma famille depuis plus de 400 ans. Est-ce que ça ne vous suffit pas? Il me semble que quand on possède une chose depuis 4 siècles, on doit en être fatigué. Mais du reste, si je la vendais, il ne me resterait pas, une fois les créanciers payés, de quoi nous faire vivre plus de 6 mois. 6 mois de vacances, ah, vendez-la sans tarder. 6 mois de repos, de vraie vie. Un silence! Ce n'est pas en rêvant qu'on travaille. Oh. Mon Dieu, il se trouve mal. Octave! Octave, mon chéri. Restez à vos places. Je vous dis de rester à vos places. Vous n'avez pas compris? Bon, quant à Octave, je fais le nécessaire. Hein, ça va mieux? Allons au travail! Oh, Hector, vous n'allez pas l'obliger à travailler maintenant. Laissez-le se reposer. Je sais mieux que vous comment on doit s'y prendre avec lui. Octave est une nature indolente. Il a besoin d'être secoué. Brute! C'est révoltant, vous êtes une brute. Un silence, nom de Dieu! Mais soyez un peu plus au travail. Allez, entrez! Pardonnez-moi, j'ai frappé en bas et ne trouvant personne, je me suis permis de monter jusqu'ici. Vous avez bien fait, monsieur le curé. Madame la comtesse, madame, monsieur le comte. Mais bonjour, vous restez longtemps? Je m'excuse. Non, restez si vous voulez, mais n'empêchez pas les gens de travailler. Nous ne sommes pas ici pour entendre des exhortations ni des oremus. Si peu qu'il nous soit payé, notre temps est précieux. Asseyez-vous, monsieur le curé. Merci. Encore une fois, je vous demande pardon. Je vous en prie, monsieur le curé. C'est très aimable à vous de passer nous voir. En tant que prêtre de la paroisse, je pensais depuis longtemps à vous faire cette visite. Comment se porte le jeune vicomte? Très mal. C'est-à-dire qu'il est un peu fatigué. Octave, monsieur le curé demande de vos nouvelles. Monsieur le curé. Je vois que vous êtes toujours très occupé. Vous connaissez notre situation. Elle ne s'est pas améliorée. Souvent, Dieu se plaît à éprouver celle de ses créatures qu'il a particulièrement distinguées. Il est vraiment trop beau pour... Ah, ce chien! Tiens, je vais voir. Peut-être le terme de vos épreuves est-il plus proche que vous ne pensez. Justement, je suis venu vous entretenir d'un projet. Puisque monsieur le comte est sorti, je vais être plus à l'aise pour vous exposer la chose. Vous connaissez maître Galuchon, l'avoué de la rue Fantin. Oui, mon mari a eu affaire à lui. Maître Galuchon a 3 filles. Il s'agirait de l'aînée. Comment ? De l'aînée ? Monsieur le curé veut dire que l'avoué souhaiterait marier sa fille aînée à Octave. Oh, les Galuchons sont très riches. Excellent catholique aussi. Enfin, moralité irréprochable. Reste évidemment qu'ils sont d'origine modeste. Le grand-père était maquignon. Reste aussi que la jeune fille en question, bien qu'elle ne soit pas vraiment laide, est assez loin d'être jolie. Et pour la consoler de sa disgrâce, les parents veulent en faire une vicomtesse. Ah, oh, c'est une jeune fille très bien élevée. Grosse dot. Et des espérances du côté de son oncle, le quincaillier. En outre, maître Galuchon laisse entendre qu'il aiderait monsieur le comte à libérer l'hôtel de Clérambard de toute hypothèque. Louise, il faut accepter. Accepter ? Mais vous n'y pensez pas, maman. Alors le sang, la race, la naissance ne seraient qu'une marchandise. J'aurais usé mes forces à des tâches écœurantes pour nous maintenir dans ces murs où s'inscrivent le nom et l'histoire des Clérambard. Et j'accepterais qu'un avoué achète tout le nom et les murs avec une poignée de billets. Non ! Louise, pense à ton fils. Pense que tu tiens dans ta main les clés de sa prison. Rends-lui la liberté. Tu n'as pas le droit de t'arrêter à des considérations de naissance qui ne sont plus rien dans la situation où nous sommes réduits. Octave, qu'en penses-tu ? Parle franchement. Mariez-moi, grand-mère. Mariez-moi tout de suite. Je veux m'en aller. Que ma femme soit chauve, qu'elle soit borgne, édentée. Elle sera toujours pour moi la plus belle et la plus adorable des femmes, si elle a pu m'arracher à mon existence de damnée. Je suis prêt à l'aimer de toutes mes forces, mais qu'il se fasse vite, ce mariage, et qu'on en arrête la date sans perdre une minute. Car je suis à bout de patience et de résistance. Ah, on ne saurait être plus net. Vous accepteriez d'entrer dans la famille des Galuchons, vous, vicomte de Clérambard, et d'avoir un oncle quincaillier ? Mais bien sûr, maman, puisque je ne tricoterai plus de pull au vert. Que pensez-vous que soit pour moi ce titre de vicomte que je porte dans l'ombre ? Peut-il être autre chose qu'une dérision dans l'état de misère où je me trouve ? Est-ce que vous croyez que je n'entends pas ricaner les gens sur mon passage et se moquer tout haut du vicomte de Clérambard qui s'en va vêtu comme un palefrenier ne voudrait pas l'être ? Ah, je vous assure que j'ai bien souvent souhaité pouvoir vendre mon nom et mon titre pour un complet neuf ou un bon repas. Mariez-vous donc, mon pauvre enfant. Et pitié, vous ne regrettez jamais de vous y être résolu dans un jour de découragement. Et puisque vous êtes dans ces dispositions favorables, il ne reste plus qu'à convaincre monsieur le comte. Demain dimanche, dans l'après-midi, maître Galuchon et sa famille seraient heureux de vous faire une visite. Qu'ils viennent. Je m'en vais tout de suite porter la bonne nouvelle à maître Galuchon, qui n'attend pas sans une certaine anxiété le résultat de ma démarche. Oh, le salaud ! Je l'ai poursuivi jusqu'au grenier. Ses aboiements devaient s'entendre sur la place. Mais vous parlez peut-être de mon chien ? Et je l'avais laissé en bas, au rez-de-chaussée, pour ne pas vous encombrer. Est-ce que... Il est mort. Oh ! Oh ! Oh ! Par exemple ! Mon pauvre papillon ! Mais comment la chose a-t-elle pu arriver ? Je l'ai étranglé, avec une corde. Monsieur le comte ! Vous n'aviez pas le droit ! Vous saviez que ce chien était à moi. Et même si vous l'aviez ignoré, rien ne vous autorisait à le tuer. Je vous répète que vous n'en aviez pas le droit. J'en avais parfaitement le droit ! Je suis chez moi, n'est-ce pas ? Et libre de faire ce que bon me semble à l'égard d'un intrus, surtout s'il s'agit d'une sale bête qui montre les dents. Oh. Mais si vous voulez tout savoir, je vous dirai que je l'ai tué pour mon plaisir. Oui, pour mon plaisir. Et comme il est bien gras, je vais le mettre au saloir. Je vous l'interdis. Sa dépouille m'appartient. Eh bien, portez-le. Allez l'enterrer dans votre jardin de curé, qu'on n'en parle plus. Victor, c'est indigne. Oh, monsieur le curé, je suis consternée. Oh. Votre conduite est sans nom. Vous êtes un homme abominable. Vous me faites horreur. Assez ! Ah, et tout le monde au travail. Monsieur le curé, vous ne saurez jamais à quel point je suis affligée par la mort de ce malheureux chien. Ah, je comprends qu'un acte aussi sauvage vous atteigne personnellement. Qu'est-ce que vous voulez, vous, encore ? Je suis Saint-François d'Assise. Passant sur cette terre, j'ai entendu les hurlements d'un pauvre chien à l'agonie. Et je suis venu voir ce qu'il en était. pauvre bête, mais pauvre homme aussi. Comme je me trouvais dans votre grenier, j'ai voulu me faire connaître de vous. Je vous laisse ce livre qui vous parlera de ma vie. Quand vous l'aurez lu, pensez-y quelquefois. Et pensez surtout à vivre mieux que vous ne l'avez fait jusqu'ici. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous avez vu ce moine ? Non. Quel moine ? Un moine ! Vêtu d'un manteau. Louise, vous l'avez bien vu ? Non, il passait sur la place. Mais non ! Non, il était... Non, mais vraiment, vous n'avez pas vu un moine ? Vous avez rêvé ? Bah non, non, je l'ai bien vu. Je suis sûr de l'avoir vu. Allons, allons, il est temps que je me retire. Je vous souhaite le bonsoir. Bonsoir, monsieur le curé. Octave, reconduisez monsieur le curé. Oh, je tiens à vous dire combien je suis navré, monsieur le curé. Je n'aurais pas été plus bouleversé s'il s'était agi de mon propre chien. Ah, j'ai perdu là un bon compagnon, et qui m'aimait bien. Croyez bien que moi aussi je suis désolé. Papillon ! Il est mort ! C'est lui ! C'est... Oh, c'est mon chien ! Ah, monsieur le comte, vous avez voulu me faire peur. Moi ? Je suis heureux. Mais oui, ma bonne bête. Mais oui, c'est ton maître. Alors, oui, oui. Ah, t'es content, hein ? Là. Je ne te quitterai plus. Oh, quel soulagement. J'ai cru mourir de confusion. Vraiment, gendre, vous avez des plaisanteries d'un goût détestable. Vous paraissez abattu tout d'un coup. Vous avez les yeux fiévreux et je vous trouve mauvaise mine. Seriez-vous malade ? Malade ? Non. Non, je suis plutôt... Fatigué, n'est-ce pas ? Vous voyez, ce n'est pas impunément qu'on travaille comme vous le faites. Nous travaillons comme des mercenaires pour nous maintenir dans ces murs. Et il est clair que nous n'arriverons à rien si nous ne sommes pas aidés. Le curé venait justement de la part de Maître Galuchon en vue d'un mariage entre Octave et l'aînée de ses filles. Oui. Mais ce moine, vous l'avez bien vu ? Il avait un livre à la main. Quel moine ? Je n'ai pas vu de moine. Pourquoi me parlez-vous toujours de ce moine ? Un moine vêtu d'un grand manteau. Où aurais-je pu voir un moine ? Enfin, ce livre n'est pas venu ici tout seul. Ah, vous le voyez, ce livre, au moins ? Bien sûr. Tiens, vous achetez des livres maintenant. Ah, moi, quelle supposition ! Pensez bien que je ne gâche pas de l'argent à acheter des livres. Du reste, je n'en ai jamais acheté. Oui, c'est justement ce que je vous dis. Ce livre n'est pas venu ici tout seul. Et le chien. Le chien du curé ! Louise vous parle de l'établissement de votre fils. Vous n'allez pas revenir sur cette mauvaise plaisanterie, qui n'a d'ailleurs amusé personne. La fille est laide. Elle est née Galuchon, et sa mère s'appelait Cudneau. Cette demoiselle, qu'on veut marier à Octave, est la petite fille d'un maquignon et d'un épicier. Oh, je sais bien, Hector. Il y a de quoi être accablé, je comprends votre surprise. Mais nous ne sommes pas dans une situation à nous montrer difficile. La dot sera très importante et l'avoué libérerait l'hôtel de Clérambard de toute hypothèque. Pourquoi ne pas accepter ? Oui, pourquoi pas ? Vous pensez bien, Hector, que ce n'est pas sans un grand déchirement que je me suis résolu à envisager pour Octave la possibilité de prendre femme dans un pareil milieu. Vous m'écoutez ? Quoi ? Mais où êtes-vous ? Je vous disais... Entrez. Bonjour, monsieur, dame. Répondez pas tous à la fois. Je répète, bonjour, messieurs, dames. Madame, à qui ai-je l'honneur ? L'honneur ? On m'appelle la langouste parce que j'ai des taches de rousseur sur le ventre. Mon nom, c'est Léonie Vincent, mais le commissaire de police lui dit la fille Vincent. Nuance. Vous saisissez, madame de Tralala ? Hier soir encore, hein, monsieur le commissaire, il me l'a chanté la chanson des vaches. Une salope, il m'a dit, voilà ce que vous êtes, la honte de la ville. Qu'est-ce qui vous amène ? Je vais acheter un pull à vert. On m'a dit que vous aviez un petit modèle, tout ce qu'il y a de gentil et pas cher du tout. Et qui vous a dit que j'en fabriquais ? Une personne de vos relations qui me veut du bien. Discrétion, n'est-ce pas ? Je serais vraiment surprise que nous eussions des relations communes. Quand vous aurez mon expérience du mal, chère madame, vous ne direz plus ça. Alors choisissez. Allez, faites vite ! Celui-là, là, il me plairait. Ah oui ? Oui, c'est bien la forme que je cherchais. Ha, ça vous fait le pectoral coquin. Et le rouge, c'est la couleur de la langouste. Il a l'air d'aller. Oh, si je me retenais pas, je le mettrais tout de suite. C'est combien? 60 francs. Oh, du don! 60 francs, rien que ça? Vous me direz, j'ai l'air distingué, ça je veux bien, mais chez moi, c'est tout en surface. Faudrait quand même pas me prendre pour une femme du monde. Oh, il est trop cher, alors en voilà un à 40. Il est trop moche. Allez voir ailleurs. Vous verrez ce que vous aurez pour le prix. Non, je sais bien. C'est pas facile. Trop petit, trop cher, trop moche. Pour les purées, il y a toujours quelque chose en trop et c'est jamais dans la poche. Si le commerce était mieux fait, hein, et ben c'est le client qui devrait faire son prix. Joli raisonnement. Bon, eh bien, faites votre prix. Non, c'est vrai. Oh, vous, alors vous me plaisez, je vous le dis. Ah, ça fait du bien de penser qu'en France, il y a encore du monde qui sait vivre. Les manières à gland, je peux vous en parler, ça devient rare. Hector, vous n'allez tout de même pas permettre à n'importe qui d'emporter notre travail pour une somme dérisoire. Faites votre prix. C'est stupide. Bon, 35 francs, ça irait? Non, hein, quand même pas, hein. C'est pas assez. Qu'est-ce que vous diriez de 40 francs? Tenez, je vais jusqu'à 42. Plus je pourrais pas. Oh, oh, merci, dites. Voilà 40. Merci. Et au revoir. Vraiment, Hector, vous faites tout d'un coup bon marché de nos efforts et de notre peine. Et je pense que si vous vouliez faire le généreux avec quelqu'un, vous auriez pu choisir une autre personne que cette créature. J'ai entendu dire qu'elle se vendait aux soldats de la garnison pour 5 francs. Il n'y avait aucune raison de faire pour elle ce que vous n'avez jamais fait pour personne. Foutez-moi la paix! Allez, aidez votre mère. Et ce soir, vous vous reposerez. Nous ne travaillerons pas après le dîner. La langouste! La langouste! C'était la langouste! Là, sur le seuil, elle m'a parlé. Tout près de moi, elle me regardait. C'était la langouste. Allons, allons, calmez-vous. Me calmer? Mais comment voulez-vous que je sois calme? Ah, si vous saviez. Ah, eh bien. Il y a 10 ans que je pense à cette fille, que je rêve d'aller chez elle, d'être à elle. J'étais encore un enfant. J'avais 13 ans, 12 ans. Je la rencontrais. Je connaissais sa maison dans la ruelle aux brebis. Je passais, je repassais, je respirais l'odeur de son couloir. Le soir, je n'arrivais pas à m'endormir. J'avais la fièvre. J'imaginais... Alors, le diable sait ce que j'imaginais. Oh, et maintenant? Rien n'est changé, sauf que je suis plus impatient, plus timide aussi, plus honteux. Elle a beau avoir 10 ans de plus, j'y pense plus que jamais. Et j'imagine toujours, j'imagine à n'en plus finir. Tenez, hier encore, je suis passé par la ruelle aux brebis. Et devant chez elle, à l'entrée de son couloir, je me suis arrêté une fois de plus. J'avais les dents serrées, les jambes molles, j'étais glacé. Alors, je suis stupide. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Parce que ça peut vous faire. Vous avez bien fait, je suis votre père. Enfin, je vais épouser une des filles Galuchon, la plus laide. Mais c'est toujours ça. On travaille ce soir? Non. Ah, tant mieux. Tiens, un livre. Vie de Saint-François d'Assise, édition du Ciel. C'est vous qui lisez ça? Je vous préviens, pour vous qui n'aimez pas lire, voilà un livre qui n'a rien d'attirant. Et pourquoi? François d'Assise, si j'ai bonne mémoire, était ce moine si débordant de charité qu'il aimait toutes les bêtes, même les plus sauvages, et s'en faisait aimer. Ah, vous êtes sûr? Ah mais oui, j'en suis sûr. Vous paraissez déçu. Évidemment, un récit de chasse ou un roman policier conviendrait mieux à votre humeur. Laissez-moi. Ouais, allez-vous-en! En 1182, naissait à Assise celui qui devait être Saint François. Dans les villes, j'inviterai les hommes à venir vous voir dans vos bois. Je leur dirai qu'il ne suffit pas d'aimer son semblable et qu'il reste à aimer d'autres êtres si bons et si beaux qu'ils ont des voix de paradis et des ailes comme les anges de Dieu. La forêt, c'est encore un peu du paradis perdu. Dieu n'a pas voulu que le premier jardin fût effacé par le premier péché. Sur toute la surface de la terre, il a semé des forêts profondes où le pêcheur puisse retrouver la bonne chance dans la compagnie des bêtes qui furent les témoins de son innocence. L'odeur des racines, le frisson des taillis et les chants des oiseaux endorment les puissances du mal qui veillent au fond de notre pauvre cœur. Dieu pousse même parfois la sollicitude jusqu'à placer des bandits au détour des sentiers afin d'aider les riches à se décharger d'un fardeau trop pesant pour marcher dans les voies du Seigneur. C'est le loup. Bonjour, mon frère. Bonjour. Tu parais bien malheureux. Allons, ne fais pas cette figure lamentable, mon pauvre loup. Je suis au courant. Tu viens encore de manger un agneau. Eh bien, de quoi t'affliges-tu? N'es-tu pas créé justement pour manger des agneaux? Cette nécessité qui vous pousse sur la proie, elle vous dépasse de loin, toi et ton espèce. Va, c'est l'ordre du monde. Et quand tu dévores un agneau, tu célèbres la gloire de Dieu. Tu chantes sa force et sa bonté. C'est une chanson un peu rude à nos oreilles d'hommes, mais à celle de Dieu, elle n'est pas moins douce que le chant des oiseaux qui mangent des insectes. Mon frère loup, tu n'as mérité aucune des malédictions qui t'accablent. Écoute le chant des oiseaux. C'est le tien. Tes hurlements, c'est ainsi que Dieu les perçoit. Hector, vous voilà enfin. J'étais si inquiète. Vous savez que vous êtes resté enfermé près de 24 heures. Mais c'est possible. Je n'avais plus la notion du temps. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire seul pendant toute une nuit et tout un jour? J'ai lu. Et j'ai pensé. Pensé? Mais à quoi? Comprendriez pas! Il vous manque d'être préparé à certaines évidences. Mais rassurez-vous, je ne vous laisserai pas dans l'ignorance. Je ne laisserai personne ici dans l'ignorance. Et d'abord, vous lirez ce livre. Vie de Saint François d'Assise, édition du... Du ciel. Ah oui, oui, c'est le livre que vous vous proposiez de lire hier soir. Alors, vous l'avez lu? Il ne vous a pas trop ennuyé? Une vie de saint. Ah, j'imagine que c'est pas des plus folichons. Imbécile. Malheureux imbécile! J'ai bien peur que vous restiez pour la vie et pour l'éternité l'individu indécrantable que vous avez toujours été. Puissais-je me tromper? Puissiez-vous, dans le troupeau des pêcheurs, n'être pas un cancre obtus et paresseux, comme vous l'étiez au lycée? Soyez juste, Hector. En ces dernières années, Octave a beaucoup travaillé. Parce que j'étais là! J'ai longuement pensé à vous durant ces heures de solitude. J'ai pensé, entre autres choses, à votre salut. Je me suis demandé si je ne devais pas vous le faire un coup de pied au cul, ou s'il était possible, malgré les apparences, d'éveiller votre âme à la vérité par des moyens mieux accordés avec ma tendresse de père. Oh, c'est ce que nous verrons par la suite. En tout cas, vous allez me faire le plaisir de lire ce livre, aujourd'hui même. Je vous promets de le lire. Ah! Maman! Une araignée, là, sur le bahut. Oh, elle est énorme. Je vais la tuer. Oh, laissez cette petite bête tranquille. Oh, je vous promets bien qu'elle ne m'échappera pas. Je laissez cette petite bête tranquille, vous dis-je. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je ne vais pas la laisser courir sur le bahut tout de même. Une araignée. Eh bien oui, c'est une araignée. Et après? Est-ce que toutes les bêtes du bon Dieu n'ont pas le droit de vivre et de respirer? Je ne vois pas pourquoi vous écraseriez une araignée qui ne vous a rien fait. Araignée, ma sœur. Sois la bienvenue chez nous. Hier encore, je n'étais qu'un pauvre ignorant. et j'aurais laissé ma femme t'écraser. Mais depuis, un peu de lumière du ciel est descendue dans mon cœur. Je sais maintenant ce qu'un homme doit de tendresse et de respect à toutes les créatures de Dieu. Non, tu n'es pas une bête répugnante. Ton corps a la forme d'un bel ovale. Tes longues pattes poilues sont finement dentelées. Tu es comme la fleur d'un fil de la Vierge. Est-ce vrai? Certainement. Désormais, tu seras la joie de la maison et notre amitié en sera la douceur. Oh, l'horreur! La voilà qui court sur le mur. Va, petite sœur, va, tu es chez toi, libre d'aller et venir à ta volonté. Ici, tu n'as pas besoin de vivre caché. Ce serait pourtant prudent. Ta vie m'est aussi précieuse que celle de ma femme. Je vous remercie, Hector. Voilà un compliment agréable à entendre. Mais je voudrais bien savoir pourquoi vous témoignez tout d'un coup tant de sympathie aux araignées. Hier encore, vous avez tué un pauvre jeune chat qui ne demandait qu'à vivre. Et ce chien qu'il y a 8 jours, vous avez jeté à l'eau après l'avoir égorgé sous les yeux d'Octave. Que vous avait-il fait? Louise, j'attendais vos reproches qui ne sont que trop justifiés. Oui, j'ai tué des chats, j'ai tué des chiens, sans autre raison que celle d'assouvir d'infâmes instincts. Je ne crois pas qu'un jour je puisse l'oublier, mais je vous demande de m'en faire souvenir à chaque instant. Je n'ai jamais tué que de pauvres animaux, mais je ne doute guère que j'ai été capable de tuer des hommes aussi bien. Avec la même férocité, que dis-je? J'en suis sûr, puisque j'y ai déjà pensé. Oh non, Hector, je ne vous crois pas. Je vous dis qu'il m'est arrivé d'y penser. Et non, pas une fois. Ah, si vous saviez, Louise, quel homme j'étais. Heureusement, j'ai trouvé hier mon chemin de Damas. Désormais, je m'appliquerai à être l'ami des animaux et à les défendre tous, quels qu'ils soient. Mon ami, vous tombez d'un excès dans l'eau. Les araignées comme les autres. Vous avez compris? Ne doit-on pas défendre d'abord les plus petits, les plus faibles? Vous savez que Maître Galuchon et sa femme viennent nous faire une visite avec leurs 3 filles. Il est bon que vous soyez là pour défendre les intérêts d'Octave. Est-ce que ce projet de mariage est déjà très avancé? Vous savez bien que non, le curé nous en a parlé hier pour la première fois. Tant mieux. Vous serez plus à l'aise pour faire comprendre aux Galuchon que ce mariage est impossible. Oh, vous n'en êtes plus partisan. Prenez garde, Hector, de ne pas décider à la légère. Pensez à notre situation. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai décidé qu'Octave épouserait la langouste. La langouste? Oh, allons, allons, c'est une plaisanterie. Votre père se moque de nous. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Octave épousera la langouste. C'est vrai? Vous êtes sérieux? Voyons, Octave, épouser cette fille, cette créature. Quelle vulgarité! Il suffit de la voir, de l'entendre. Vous vous croyez peut-être supérieur à la langouste? Vous n'allez tout de même pas comparer la mère de votre fils à une prostituée. Parfaitement une prostituée. Une douloureuse et humble fille que ses malheurs rendent digne d'amour et de respect. Ce sera pour nous un honneur qu'elle consente à épouser ce grand dadais qui n'est sûrement pas digne de lui laver les pieds. Hector, c'est de votre fils que vous parlez. Mon fils est un cornichon, mais c'est aussi un tombereau d'impureté. Mon fils est un tas de fumier, comme moi d'ailleurs, comme sa mère. Vous dites des choses révoltantes. Dans son abjection, la langouste est plus proche de Dieu que toutes les filles d'avoués du canton. Quand elle trouve humblement son pauvre jupon troué en prenant les 100 sous d'un militaire, Dieu est là, tout près d'elle. Et il la regarde. Et il regarde son sacrifice avec bienveillance. Oh, Hector, vous êtes stupide et vous êtes obscène. Et vous, avec tout votre honneur et toute votre dignité, je vous vois comme un gros abcès gonflé d'impureté, un énorme abcès qui se cache sous des parchemins et des couronnes de comtesse, mais qui éclatera un jour. Et ce jour-là, jour de colère, il éclatera avec un gargouillement de pourriture lâchée, et les anges du ciel se boucheront le nez pour ne pas sentir votre puanteur. Mais taisez-vous, c'est abominable! Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Octave, défendez-moi, défendez votre mère. Calmez-vous, papa, vous ne pensez pas ce que vous dites. Vous aussi, Octave, vous êtes un abcès. Mais vous aurez peut-être la chance d'avoir la plus humble des épouses et de partager sa honte au regard de Dieu. Les gens vous montreront du doigt en ricanant. Ils diront que vous avez épousé une putain de la ruelle aux brebis. On nous insultera. Et je compte bien qu'on nous insultera aussi. Vous avez l'air de vous en réjouir. Pour ma part, je me passerais bien d'être insulté. L'humilité est l'antichambre de toutes les perfections. Et c'est justement ce trésor-là, Octave, que la langouste vous apportera en dot. Assez de sottises. Essayez de retrouver un peu de bon sens et pensez au bonheur de votre fils. Et j'y pense. Mon désir est précisément qu'Octave vive selon son cœur, sans sacrifier à des intérêts d'argent. Devrait-il, parce que nous sommes pauvres, lier sa vie à celle d'une héritière pour laquelle il ne saurait éprouver qu'un sentiment de rancune? Non! Octave épousera la femme qu'il aime. La femme qu'il aime? Vous aimez la langouste, n'est-ce pas? À vrai dire, je me demande... Enfin, quoi, vous l'aimez? Je n'ai pas l'expérience qui me permettrait d'affirmer... Bon, alors c'est dit. Je vais m'habiller et je descends lui demander sa main. Ah oui, à quoi vous attendre? Oh, Hector! Octave! Pourquoi votre père a-t-il affirmé que vous aimiez la langouste? Et pourquoi ne l'avez-vous pas démenti? Vous savez bien qu'il n'accorde aucune attention à ce que je peux lui dire, sauf s'il y trouve un prétexte à me houspiller. Dès lors, à quoi bon un démenti? J'aurais d'ailleurs mal choisi mon moment. Aujourd'hui, papa a des idées si saugrenues. Voyez pour l'araignée. Ah, a-t-il fait assez de bruit pour une simple araignée? Au fait, je n'y pensais plus à cette araignée. Je viens, petite sœur. Oh, je l'ai manqué. Attention, vous allez tomber. La voilà qui file sur le mur, mais je l'aurai. Ah, cette fois, je l'ai. Attendez, je vais lui couper les pattes. Justement, j'ai mes ciseaux. Mais non, pourquoi la faire souffrir? Tu es là, ou ce qui est encore mieux, j'étais là par la fenêtre, tout simplement. Oh, Octave. Je lui en laisse une, rien qu'une. Regardez-la sur une patte, regardez. Oh, ne soyez pas si nerveux, mon chéri. Elle est si drôle, plus qu'une patte. Elle est tordante, vous la voyez bien. Ah, relevez-vous. Attendez, je lui coupe la tête. Là, ça y est. Oh, on frappe à la porte du bas. C'est la famille de l'avoué. Allez ouvrir et faites-les monter tout doucement. Ah, je vais remettre de l'ordre dans ma coiffure. Qu'est-ce qu'on a encore fait de mon bouton de colle? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a personne? Oh, si, il y a ma petite sœur l'araignée. Oh, tiens, on a touché au cadre. Mais est-ce que... Araignée, où es-tu? Oh, les brutes. Ils l'ont tué. Malgré tout ce que je leur ai dit. Oh, ils lui ont coupé les pattes. Oh, assassin. Tensionnaire. Bon. Oh, ma pauvre sœur, tu étais trop petite. Ils n'ont pas eu peur de ta faiblesse. Je suis si contente. Et mes petites se sont tant réjouies. N'est-ce pas, petite? Ah, oui, maman. Je n'avais pas encore eu le plaisir de rencontrer ces jeunes filles. Elles sont charmantes. Bonjour, madame. Quel plaisir pour moi. Voilà donc ces jeunes filles que j'ai tant désiré connaître. Oh, vous êtes trop bonne. Je vous présente Brigitte, la plus jeune. Étiennette et Evelyne, l'aînée. Charmées, mesdemoiselles. Elles sont exquises. Je vous présente mes hommages, madame. Bonjour, maître. Asseyons-nous. Mesdemoiselles. Vous voudrez bien excuser mon mari. Ses affaires l'ont appelé en ville. Oh, hélas, pour un homme actif, les journées ne sont plus assez longues. Il faut prendre sur ses dimanches. Moi-même, j'ai à 5h un rendez-vous qui va m'obliger à partir avant ma femme. C'est pourquoi, si vous le permettez, nous aborderons sans trop tarder l'affaire qui nous amène. Volontiers. Octave, conduisez donc ces jeunes filles en bas, voir la salle du duel. Ah, la fameuse salle du duel. Oui. On y voit encore l'endroit exact où d'un coup d'épée le vieux maréchal de Clérambard cloua contre la porte le baron de Malfroy qu'il avait provoqué. C'est une curiosité historique qui peut intéresser des jeunes filles. Oh, je crois bien. Les petites vont être ravies. N'est-ce pas, mes enfants? Oh, oui, maman. Si vous voulez bien suivre votre guide. Oh oui, monsieur. Le vicomte est plein d'enjouement. C'est un garçon agréable. Il a surtout un caractère très affectueux. Monsieur le curé nous a fait part du bon accueil que vous avez bien voulu faire à ses suggestions. De notre côté, nous ne sommes pas moins heureux que vous. L'idée d'une union si bien assortie. Et nous ne demandons qu'à faire le nécessaire pour la voir aboutir. Evine apportera en dot à votre fils un très joli domaine et qui serait pour nos jeunes mariés une agréable résidence. Notez qu'ils vivraient très bien tous les deux fort convenablement du revenu de cette propriété. En outre, une somme de 100 000 francs compléterait la dot. 100 000 francs. Maître, je regrette qu'hier soir, monsieur le curé ne nous ait pas précisé le chiffre de la dot. Vous auriez ainsi évité un dérangement et une discussion qui semble bien ne devoir pas aboutir. J'en suis fâchée, mais votre proposition est tout simplement dérisoire, pour ne pas dire désinvolte. Oh, madame, désinvolte. Vous ignorez peut-être que le nom de Clérambard appartient à l'histoire de France. Mais si j'ai été maladroit, ayez la bonté de me le pardonner. Je n'avais avancé ce premier chiffre de 100 000 francs que pour amorcer l'entretien. Voyons, quelles sont au juste vos prétentions? Je ne vois pas qu'à moins d'un million, Octave puisse décemment faire de votre fille une vicomtesse de Clérambard. C'est aussi mon opinion. Un million, grand Dieu! Savez-vous bien ce que c'est qu'un million? Mais pas pensez-vous qu'il n'y a rien au monde qui vaille d'être payé aussi cher? Oh, ne nous décourageons pas si vite, Eugène. La comtesse n'aura pas dit son dernier mot. J'aurais souhaité passer sous silence certains aspects de la question. Mais puisque vous m'y obligez, je vous rappellerai que ce mariage ne se présente pas comme la conclusion d'une idylle. Vous imaginez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que l'héritier d'un grand nom et d'une illustre lignée se prépare à cousiner avec des maquignons et des épiciers, si honorables soient-ils. À vrai dire, ces considérations de naissance n'ont pas dans notre milieu l'importance que vous leur accordez dans le vôtre. Pour nous, un titre de vicomte n'est guère autre chose qu'un ornement. Dans ces conditions, il est décidément préférable que nous en restions là. Oh, mon mari s'est laissé aller à sa vivacité et ses paroles ont sûrement trahi sa pensée. N'est-ce pas, Jeanne? C'est vrai. J'ai été trop vif. Mais je ne songe pas à nier que l'aristocratie de la naissance m'a toujours inspiré des sentiments d'estime. Mais un million, madame, un million! Si la comtesse voulait faire un sacrifice... Croyez bien qu'il est déjà fait. Mais accordez-moi au moins une petite diminution. Oh, Eugène! Allons, soit. Faut en passer par où vous voulez. Mais c'est dur. Voilà nos enfants. Eh bien, vous avez vu la salle historique. Oui, madame. C'est vraiment très, très intéressant. Monsieur Octave nous a montré la grande porte et l'endroit où l'épée du comte de Clérambard est entrée dans le bois. C'est émouvant. Evelyne est une enfant très sensible. Octave l'est aussi. Ah, dans ce temps-là, on n'y allait pas de main morte. Il devait y avoir là-dessous quelque affaire de jupon. Oh, voyons. Où est votre sœur l'araignée? Voyons, Hector, vous n'allez pas en ce moment. Où est votre sœur l'araignée? Je ne sais pas, moi. Elle doit être derrière le cadre. Vous avez perdu quelque chose? Non, ce n'est rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, elle n'est pas derrière le cadre. Elle se sera tout bonnement échappée. Non! Elle ne s'est pas échappée. Et vous le savez bien, tous les deux, puisque vous l'avez tuée. Lâchement. Sauvagement, après lui avoir arraché les membres. Je vous en prie, Hector, à vous entendre, on croit que nous sommes vraiment des meurtriers. Oui, vous êtes des meurtriers et des torsionnaires. Toute cette histoire est grotesque. Non, elle est ignoble, elle est révoltante. Mais j'entends qu'une pareille abomination ne se renouvelle pas dans ma maison. Et j'exige qu'avant 15 jours, il y ait au moins 3 toiles d'araignées dans chaque pièce. Assassiner une créature innocente qui venait chercher asile sous notre toit. Oh, deux monstres! Voilà ce que vous êtes! Pourquoi accusez-vous aussi Octave? C'est moi qui ai tué l'araignée. Lui n'y est pour rien. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Octave! En effet, je n'y suis pour rien. Ah, tant mieux, mon garçon. Vous m'ôtez un poids de sur le cœur. L'idée que vous aviez pu assassiner cette petite bête me tourmentait beaucoup. Je vous trouvais tellement indigne d'épouser celle que vous aimez que j'avais presque renoncé à ce projet. Mais puisque vous êtes innocent, je vais pouvoir demander sa main. Ouais, tenez, je veux oublier un moment le crime de votre mère et ne plus penser qu'à ce mariage. Je veux me réjouir de voir entrer dans notre famille une épouse aussi admirable. Oui, les voisins nous diront comment vous mariez votre fils à cette putain. Oh, monsieur, vous n'avez pas le droit de parler ainsi de ma fille. Mais papa, puisque monsieur Octave m'épouse. Octave, vous n'avez donc pas mis ces personnes au courant? Comment voulez-vous? Oh, madame, et vous, monsieur, pardonnez-moi. Enfin, vous avez pu croire que je parlais de cette jeune demoiselle, mais c'est un malentendu. Non, j'ai pour Octave de grandes ambitions, et j'ai visé pour lui plus haut que votre fille. Par exemple, nous faire cet affront. Encore une fois, je vous demande pardon. Ah, soyez tranquille, Octave. Je vais aller trouver celle que vous aimez, et je vous promets de plaider votre cause autant qu'il est possible. Chez la langouste, une pièce au mur passé à la chaux, lit de fer étroit, deux chaises, une cuvette de fer, un buffet bas en bois blanc. Ah ! Bonjour, mademoiselle. Oh, monsieur le comte ! C'est gentil de venir me voir. Entrez. Je ne vous dérange pas ? Je suis toute seule, ça tombe à pic. Tiens, assieds-toi, mon gros lapin. Merci. Alors quoi, on a envie de s'amuser un peu? À vrai dire, ma visite a un tout autre but. Oh, alors pardon, excusez. Je vais peut-être vous surprendre et peut-être aussi vous scandaliser. Oh, me scandaliser, ça m'étonnerait. Je vois pas trop ce que vous pourriez me sortir. Alors, est-ce que vous connaissez mon fils? Attendez, c'est pas lui que j'ai rencontré chez vous hier au soir, un grand sifflet, l'air un peu en douille? Je vois que vous le connaissez. C'est de lui justement qu'il s'agit. Voilà, en deux mots, voilà toute l'affaire. Mon fils Octave vous aime. Oh, ben c'est facile. Une politesse en vaut une autre. Je le laisse faire son prix. Oh, loyal, j'en étais sûr. Autant de plus à ajouter à vos mérites. Amour, humilité, bonté et loyauté. Mais je n'ai pas su me faire comprendre. Mon fils vous aime et désire vous épouser. J'aime pas qu'on se paie ma tête, hein. Vos boniments en mariage, ça pourrait bien faire du vinaigre. Octave vous aime depuis 10 ans, sans oser vous le dire. Depuis 10 ans? Oh, pauvre môme. Il aurait quand même pu mieux tomber. Mieux tomber, ma pauvre enfant. L'humilité est une grande vertu, mais qui ne doit pas nous dissimuler le visage de la vérité. Octave est une pauvre cervelle. Un garçon sans volonté et sans beaucoup de cœur non plus. Je ne vous crois pas. Votre fils n'est pas ce que vous dites. Hélas non, il est pire. N'importe comment, il vaut toujours mieux que moi. Mieux que vous? Assurément non, mais sa vraie chance, ce serait de devenir votre mari. Oh, vous me faites rire. Est-ce que je peux être une chance pour quelqu'un? Une chance que pour ma part j'envie à Octave. Vous lui apporterez l'humilité, l'amour des araignées, la vertu de vos souffrances. Vous déraillez? Ce que je peux apporter à Octave, je le sais mieux que personne. Vous êtes la femme qu'il faut à mon fils. Alors vous me trouvez bien? Je vous aime déjà comme ma fille. Vrai? Vous m'aimez un petit peu? Je vous aime pour toutes vos perfections. Moi aussi, je vous aime bien. Vous croyez pas que tous les deux, on est fait pour s'accorder? Je l'ai compris au premier moment. J'ai tellement besoin d'affection. Vous en aurez. Avec vous, on a envie d'être gentil. Soyez gentil. Mon gros loup. Mon Dieu! Mon Dieu, pardonnez-moi! La nuit avait envahi mon cœur. J'étais prêt de céder à la plus abominable des tentations. Au bord de l'abîme où j'allais entraîner une créature innocente, j'ai été retenu par ce message mélodieux du petit pauvre d'Assise. Mais je n'avais pas mérité une grâce aussi particulière. Seigneur, comme je suis faible encore et complaisant aux entreprises du démon. Ma pauvre enfant, vous qui pensiez vous abandonner à l'amitié d'un père, méprisez-moi comme je mérite de l'être. Je ne suis qu'une bête lubrique, un cochon Oui, un cochon. Mais vous n'avez pas vu que c'est moi qui vous ai cherché? Naturellement que j'aurais pas dû, mais je pensais pas non plus que vous étiez dans des idées de curé. Je me suis laissé aller aux habitudes du métier sans réfléchir plus loin. Léonie, vous m'êtes à présent plus chère que jamais, mais n'essayez pas de me trouver des excuses, vous me fâcheriez. Quand je pense que j'étais venu vous demander votre main pour mon fils et que je n'ai pas craint de serrer dans mes bras la femme dont j'espérais faire ma bru, je sens me monter au fond le rouge de la honte. Oh, ce crime que j'allais commettre, Léonie Vincent, savez-vous que ce n'était rien de moins qu'un inceste? Qu'est-ce que vous allez chercher? À vrai dire, j'avais consenti à l'inceste. Que dis-je? Mais je l'ai commis, en esprit. Oh, misérable chère, je suis un satyre, un cochon incestueux. Mais non, mais non. Écoutez, même si vous aviez été jusqu'au bout, je vous assure que c'était peu de chose. N'essayez pas non plus de me rassurer. Dieu merci, je suis conscient de la noirceur de mon crime. Je n'entends d'ailleurs pas le tenir secret. Dussé j'en crever de honte, je le confesserai bien haut à ma femme, à ma belle-mère, et bien entendu à mon fils. Dites donc à propos, j'aimerais bien le voir, votre Octave. Bon, je vous l'envoie tout de suite. Et je reviendrai le chercher un peu plus tard. Léonie, quel que soit l'accueil que vous ferez à Octave, j'ai à vous parler d'une autre chose qui me tient encore plus à cœur que ce mariage. Ah. À tout à l'heure. Salut. Pendant 20 ans, trimante à la fabrique, dans l'atelier au vapeur méphitique, il a donné ses forces sans compter, et maintenant le courageux ouvrier. Entrez. Coucou. C'est votre petit galuchon qui vient folâtrer. J'ai eu peur. Je viens de croiser une ombre dans l'escalier. Heureusement, il faisait noir. Un client? Ça me regarde. Je vous trouve plus excitante que jamais. Vous avez un air. Qu'est-ce qui te prend? Tu viens jamais le dimanche? Je me suis échappé en prétextant un rendez-vous d'affaires. Depuis hier soir, je suis obsédé par le souvenir de notre dernière rencontre. Arrête tes pattes! Vous n'avez sans doute pas réfléchi que si je laisse ici 45 francs par semaine, j'achète de certains droits qui ne peuvent pas être mis en discussion. Je ne discute pas, je te dis de t'en aller. Mais vous n'allez tout de même pas me laisser partir. Allons, dehors, dehors. Mais permettez, je n'admettrai pas. Pardonnez-moi, je ne croyais pas. Comment? C'est vous, monsieur Octave? Fermez la porte. Votre présence en ces lieux est pour le moins surprenante. Maître, je suis confus. J'étais loin de penser... Bien sûr, vous ne pensiez pas me rencontrer ici. Mon cher vicomte, je me demande lequel de nous deux est le plus surpris de la rencontre. À la réflexion, je crois bien que c'est moi. Notez que je ne vous fais pas reproche et que pour ma part, j'ai la conscience tranquille. Je trouve que cette fille a un délassement, une détente, l'oubli passager des fatigues et des soucis que je m'impose dans l'accomplissement de la tâche quotidienne. Où est le mal? Mais vous n'avez pas les mêmes raisons que moi de venir ici. Et je suis sûr que vous ne vous y sentez pas pleinement autorisé par votre conscience. Oh, ma conscience. Non, encore une fois, il n'est pas question de reproche. Je suis assez compréhensif pour admettre que ces sortes de jeux ne compromettent en rien votre sentiment loyal pour ma fille Evelyne. Non, mais ayez seulement la prudence de ne parler à personne de cette rencontre. Et nous finirons par l'oublier nous-mêmes. Vous venez souvent? C'est la première fois. Non. C'est trop drôle. Vraiment, vous n'avez pas de chance. Alors, jeune homme, je ne vous retiens plus. Excusez-moi, mais papa doit venir me retrouver ici. Quoi? Votre papa? C'est du propre. Maître, je dois vous dire la vérité. La femme que mon père veut me faire épouser, c'est elle. Comment? En présence des jeunes filles, il nous était difficile de vous renseigner plus précisément. C'est juste. Mais la comtesse aurait pu m'informer sans être entendue de ma femme ni de mes filles. Peut-être, mais c'était assez gênant. Je comprends que la comtesse ait eu honte de nous la nommer. Mais pourquoi veut-il, le comte, que son fils épouse une catin? Quelle raison vous a-t-il donnée d'un choix aussi extravagant? Je ne les ai pas très bien comprises. Il m'a semblé qu'elles étaient surtout d'ordre moral et religieux. Mais vous moquez de moi? Je voudrais bien savoir C'est ce que peuvent bien faire ici la morale et la religion. Je ne sais pas. N'importe, n'est-ce pas? Vous êtes bien décidé à épouser ma fille en vous passant du consentement de votre père. Oui, ah. Mais ce sera difficile. Je porte à mon père trop d'affection et de respect pour me dresser contre lui et passer outre à sa volonté. Je ne peux pas lui faire cette peine. Oh, allons donc, allons. Voilà ce que vous lui direz. Vous pourriez le lui dire vous-même. Vous auriez plus de chance de vous faire écouter et vos raisons auraient plus de poids que les miennes. Il va être là dans une minute. Oh, mais alors je file. Surtout, ne vous laissez pas envelopper. Ne vous engagez à rien. Venez me voir demain. Et vous, ma fille, ne vous laissez pas pondre à cette histoire de mariage qui ne pourrait que vous attirer des ennuis. Adieu. Salut. Ah, je pars le cœur lourd de regrets. Oh. Qu'est-ce qu'il vient de me raconter que je pourrais m'attirer des ennuis? C'est qu'il veut me faire épouser sa fille. Laquelle, la plus laide? Ah, bien sûr. Alors? Je ne veux pas. C'est vrai ce qu'il a dit ton père que depuis 10 ans? Oui, depuis 10 ans, j'attends le moment de me trouver seul avec vous. Depuis que mon père m'a parlé de ce mariage, j'ai des moments de folie. Rien ne compte plus pour moi. Famille, considération, argent, héritière, sécurité. Il n'y a plus de raison qui puisse me tenir. Je veux vous épouser, je veux me vautrer avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Et tant pis pour l'hôtel de Clérambard, tant pis pour l'argent, tant pis pour le nom, tant pis pour tout, je m'en fiche. Pourvu qu'un jour je sois satisfait, rassasié, que je ne sente plus ce tourment, cette angoisse de chaque instant, que je me délivre de cette souffrance qui est en moi comme une bête, une sale bête d'araignée dégoûtante, que je m'épuise à contenir. Ben, mon vieux... Vous voulez, hein? Vous voulez? J'ai pas dit ça. Vous couchez bien avec Galuchon. Alors t'avais pas autre chose à me dire? Moi je croyais qu'on allait entamer le duo. J'attendais des mots sucrés, de la chansonnette à l'émotion, au lieu de ça... Ah! Octave, je viens d'avoir encore une scène avec votre mère. La pauvre femme ne comprend rien, et ma belle-mère encore moins. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de mon fils, Léonie? Ah, pour être franche, c'est pas ce que j'attendais. Ah ben voilà qui est clair. Et l'accent de votre voix ne trompe pas. Vous entendez? Vous êtes indigne de Léonie. Je croyais qu'il y avait une petite chance, mais l'orgueil paternel m'aveuglait une fois de plus. Allez! Vous n'avez plus rien à faire ici. Partez. Et moi, je veux l'épouser. Vous me l'avez promis. Je ne veux pas renoncer à elle. Je reste ici. Octave, ne m'échauffez pas les oreilles. Je veux être à elle. Je veux la voir. Je veux coucher avec elle. Bouge hors d'ici. Vous faites rougir votre père. Arrêtez. Soyez pas méchant avec lui. D'abord, vous m'avez pas comprise. Ce que j'ai voulu dire, c'est que les gringalets dans son genre, c'est pas tout à fait mon type d'homme. N'empêche que quand il m'a causé d'amour, j'ai eu comme un coup de langueur dans le poitrail. Encore maintenant, j'en suis toute chose. J'ai les intérieurs en duvet de canard. Je voulais prendre le temps de m'y reconnaître. Les affaires d'amour, c'est sérieux, surtout quand il y a le mariage à la clé. Vous avez raison. Mais je n'admets pas le langage qu'il vient de tenir devant vous. Je n'admets pas ces rugissements de la lubricité. Mais parce que vous n'y connaissez rien. Pour moi, justement, c'est le cri de la passion et c'est bien ce qui me fait réfléchir. Remarquez, quand vous êtes arrivé, Octave ne m'avait pas tout dit. Mais l'amour, vous savez bien ce que c'est. Bien souvent, il suffit d'un rien. Un mot gazouillé, un retour des prunelles, on se trouve chaviré. Allons, allons, viens Octave, viens me recouler ça dans l'oreille. Oh, prenez garde, Léonie, ne perdez pas votre sang-froid. Soyez tranquille, j'ai de la défense. Tout à l'heure, j'étais trop ému. Mes paroles ont pu vous faire croire qu'il s'agissait d'autre chose que d'un sentiment. J'étais trop ému et j'ai pas su vous dire toute la tendresse. Oh, ça va bien, range ton boniment, c'est trop tard. Et puis tu le dis mal. T'as pas encore attrapé le ton. Tu voudrais me regarder en face, mais en douce, t'as l'œil qui coule dans mon corsage. Ces trucs-là, tu sais, je m'y connais un peu. Alors quoi? Je t'en veux pas, tu sais. Et même, tu me ferais plutôt de la peine. C'est bon, je vais arranger ça. À partir de maintenant, on est fiancés. En attendant les sacrements, on se mariera un petit peu, de temps en temps. Oh, monsieur de Clérambard, je peux pas résister. J'ai vu le ciel dans les yeux d'Octave. Chers enfants! Octave, rentrez à la maison. Et qu'il soit bien entendu, vous ne remettez pas les pieds chez cette fille. Octave, je vous prie de rester ici, auprès de votre fiancée. Je vous le disais tout à l'heure, votre mère ne voit pas où sont vos véritables intérêts. Pas plus d'ailleurs que votre grand-mère. Hector, je vous trouve d'une inconscience extraordinaire. Vous semblez avoir oublié tout d'un coup que notre situation matérielle est désespérée. Prenez le temps d'y réfléchir et comprenez que ce mariage est insensé. Qui donc alimenterait le ménage? Cette personne continuerait-elle à recevoir des soldats? Et alors? Vous n'imaginez pas que mon trésor et moi, on va se laisser mourir de faim, non? Qu'en dites-vous, Octave? Enfin, je pense que la vérité commence à vous apparaître dans son évidence impitoyable et que vous comprenez déjà l'insanité de ce projet. Louise, vous parlez cette fois raisonnablement et votre inquiétude est des plus légitimes. Mais rassurez-vous, car en homme pratique, j'ai pensé à tout. Dès demain, l'hôtel de Clérambard sera mis en vente. Avec le peu que nous laisserons les créanciers, nous achèterons une roulotte, un cheval. Et nous nous en irons par les chemins et par les bois, écouter la rumeur des hommes et la chanson des oiseaux. Nous laisserons là les soucis d'argent pour aller vivre dans la communion des gens et des bêtes, en traçant derrière nous un sillon d'amour. Oh, vous ne prétendez tout de même pas nous faire vivre comme des romanicelles? Et dans cette promiscuité? Dites donc, pas plus que vous. Votre idée est absurde, je ne vois pas qu'elle apporte à nos ennuis aucune espèce de solution. Dans votre roulotte, de quoi vivrons-nous? C'est simple, nous vivrons d'aumône. Nous demanderons au nom de notre Seigneur la charité aux passants des villes. Nous irons dans les fermes et dans les champs implorer les paysans. Et à tous, nous parlerons de Dieu et du commandement d'amour. De mieux en mieux. Il ne vous suffit pas de jeter votre fils dans les bras d'une créature et de nous changer tous en romanicelles. Vous voulez encore que votre famille vive de mendicité? Oui, c'est mon ambition. Et je n'en vois pas de plus haute. J'ai beaucoup réfléchi en ces dernières 24 heures. Je me suis persuadé que la plus belle mission que se puisse proposer à un homme est celle de mendier son pain et d'éveiller ainsi les sentiments d'amour, de compassion, de fraternité qui sommeille au cœur de nos semblables. Hector, je veux croire encore que la nuit suffira à dissiper vos rêveries. Mais si vous persistez dans ces projets, sachez que vous trouverez en moi un adversaire tenace. Et si besoin, une ennemie. Venez, maman. Louise! Louise, est-ce bien vous qui parlez d'être pour moi une ennemie? Le chagrin et la colère m'ont emporté au-delà de ma pensée. Non, Hector. Même si vos extravagances m'obligent à défendre notre famille contre vous, je ne serai pas une ennemie, puisqu'au fond de mon cœur, je vous plaindrai encore et je vous aimerai. Louise, Louise, vous qui m'avez si sûrement deviné, je vous sens maintenant bien proche de moi. Et je ne veux plus tarder de vous faire une révélation à laquelle je craignais de vous trouver mal préparée. Cette métamorphose qui a frappé votre esprit, je la dois à un miracle. Vous me comprenez bien, Louise? Un miracle! Qu'entendez-vous par là? Mais que voulez-vous que j'entende si c'était un miracle du ciel? Hector, vous avez fourni ces dernières semaines un effort surhumain et vous êtes exténué. Soyez raisonnable. Rentrez et vous reposez. Oui, c'était hier. Je venais d'étrangler le chien du curé. Je suis descendu reprendre ma place parmi vous. Alors un moine est entré. Et ce moine, qui m'a remis un livre, c'était Saint François d'Assise. Vous avez pu vous méprendre. Ce livre que j'ai reçu de sa main, le voici. Vous pouvez le voir, hein, le toucher. Oui, mais le moine, comment se fait-il que nous ne l'ayons pas vu? Le curé s'est levé pour prendre congé et en sortant de la pièce, il a trouvé son chien, mais vivant, aboyant. Oui, il était vivant. Le saint l'avait ressuscité. Un miracle s'était accompli. Oui, un miracle. Vous êtes tous silencieux. Doutez-vous de mon témoignage? Allons, dites-le. Mais non, Hector. Personne ici ne songe à mettre vos paroles en doute. Non, non, non, vous ne me croyez pas. Hein? Et vous? Et vous, Octave? Vous savez bien, Hector, que nous croyons tout ce que vous dites. Bien sûr. Et vous non plus, Léonie? Vous ne me croyez pas? Je voudrais pas vous vexer, mais... moi, votre histoire, je la trouve dure à avaler. Mais pourtant, le saint s'est manifesté tout à l'heure encore, ici même. Oui, oui, c'est une chose qu'il me faut vous confesser. Alors que j'entretenais Léonie Vincent d'un mariage avec Octave, j'ai été assailli par tous les démons de la lubricité. Une chaleur d'enfer s'est répandue dans ma chair. Et j'ai pris cette pauvre enfant dans mes bras. Je l'ai serrée, pressée contre moi, avec une ardeur insensée. Et j'allais me jeter et l'entraîner dans la damnation de la fornication et de l'inceste. Mais heureusement... Hector. Je vous demande de rentrer à la maison avec votre fils. Laissez, laissez, je vous disais qu'au moment de tomber dans la fornication, l'adultère, l'inceste, c'est alors qu'un chant d'oiseaux s'est élevé dans la chambre. Un chant triste et mélodieux, comme le doivent être les sanglots des anges du ciel. Et ma chair brûlante s'est apaisée tout d'un coup. Leur repentir est entré en moi, comme une eau froide et amère. Sauvé, j'étais sauvé. Mais c'était lui, c'était le petit pauvre. Il avait eu pitié de moi encore un coup. Il avait eu pitié de mon âme en détresse. Et il m'avait averti. La cour de l'hôtel de Clérambard. Devant la porte, une roulotte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre roulotte. Comment la trouvez-vous? Si c'est un cadeau que vous faites à cette personne, vous avez bien choisi. Elle est pour Léonie et pour nous tous. Allez, venez voir l'intérieur. Non, Hector, ce n'est pas la peine. Elle est compartimentée en deux chambres. En attendant que ces enfants-là soient mariés, vous dormirez avec Léonie dans la plus petite. Vous pouvez y compter. Léonie vous parlera de la vie de Saint-François d'Assise, qu'elle connaît maintenant aussi bien que moi. Oh oui, ce qu'il était gentil, hein, et doux et pas fier. Un garçon en or, ce petit Saint-François. Vous l'aimez, le petit pauvre d'Assise? Et comment? Oh, j'aurais voulu le connaître. On se serait sûrement bien entendus tous les deux. Je l'aurais jamais lâché. Cher enfant! Vous pouvez dormir qu'avec moi, hein, il aurait manqué de rien, qu'il aurait été dorloté. Pour un homme en su comme celui-là, je me serais mise en quatre. Au labeur et par tous les temps. Tu viens, chérie, c'est pour les pauvres. Lui, pendant ce temps-là, il se faisait du lard, c'était bien son tour. Ces façons de parler sont odieuses. Votre vision de la sainteté n'est pas encore tout à fait détachée de certaines aspirations profanes, mais j'y vois l'essentiel, qui est l'amour. Vous devriez avoir honte. Hector, il faut que je vous demande de l'argent pour aller faire le marché. De l'argent? Mais je n'en ai pas. Comment? Hier soir, vous avez touché 100 francs pour les deux pullovers, vous savez bien? C'est vrai. Je les ai donnés à des pauvres. C'est trop fort. Vous avez donné cet argent à des inconnus et l'idée ne vous est même pas venue qu'il vous fallait nourrir votre famille. Non, je n'y ai pas pensé. À vivre dans une atmosphère de miracle, je perds un peu la notion des nécessités. Alors? Je vais toujours vous donner 10 francs. Merci, mon enfant. Vous nous sauvez. Vous n'allez pas accepter l'argent de cette fille. Soyons sans orgueil, mon ami. Demain, ce soir, quand nous mendierons pour l'amour de Dieu, irons-nous demander leur carte de visite à ceux qui nous feront l'aumône? Nous serons trop heureux d'avoir pu leur inspirer une pensée fraternelle, surtout si ces gens sont des réprouvés. Non, Hector, rendez l'argent à cette demoiselle. Non, mais pas du tout, je le garde. Ah, pendant que j'y pense, si vous avez quelques hardes à emporter dans la roulotte, ne tardez pas à faire votre baluchon. Dans une heure, je passe chez le notaire où j'ai rendez-vous avec l'acquéreur et aussitôt après, nous prenons la route. Pour l'instant, je monte au grenier où j'espère trouver quelques objets utiles. Oh, venez avec moi, tous les dieux, Léonie, Octave. Venez, vous pourrez m'aider. Octave, veux-tu rester une minute? Bon. Tu as entendu ce que vient de dire ton père. Es-tu toujours décidé à épouser cette fille, à monter dans la roulotte avec elle? Et à vivre de mendicité. Non, je reste ici. Où? Ici. Dans une heure, nous n'aurons plus de maison. Ou bien tu épouses Evelyne Galuchon et il n'y a plus de problème. Ou bien tu cherches une place d'employé de bureau ou d'employé de magasin à 200 francs par mois. Mais la trouveras-tu? En tout cas, il est temps de prendre une décision. Je vais voir, je vais réfléchir. Louise, tu as vu Maître Galuchon? Oui, naturellement. Il m'allait montrer qu'il fallait faire venir le médecin Ennis de toute urgence. Oh, c'est ce que nous pensions toutes les deux. Bien sûr, faire interner Hector, c'est couper court à ses extravagances. Et sauver ce qui peut encore être sauvé. Quant à savoir s'il est vraiment fou, je suis loin de posséder une certitude. Le médecin nous le dira. Oh, un médecin aliéniste est toujours prêt à reconnaître un fou. Et celui qui va venir tout à l'heure est un ami de Galuchon. Autant dire que son opinion sera faite avant d'avoir vu Hector. Il faut reconnaître que la conduite de ton mari ne laisse guère de place pour le doute. Mais je ne suis pas de votre avis. Comment faire le départ entre la folie et l'exaltation? D'un autre côté, si le docteur décrète qu'il est fou, qu'il faut l'interner, ah, que faire? Bien sûr, c'est pénible. Vous sortez, maman? Justement, je vais chercher le curé. J'ai pensé qu'il pouvait raisonner Hector, le persuader, le ramener à la sagesse. Hélas, mais vous avez raison, maman. Il faut tout essayer. J'y vais. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ah, c'est vous, Louise. Vous avez l'air désemparée, auriez-vous un ennui? Non, rien, je n'ai rien, laissez-moi. Ne voulez-vous pas vous confier, me faire partager vos soucis? Je voudrais tant vous aider, Hector. Oh! Mais Hector, vous venez encore de tuer un chien. Quoi, non, c'est pas vrai. Pourquoi niez-vous? La queue de cette pauvre bête dépasse de votre paquet. Oh, ça, c'est le chien du curé. Non, justement, ce n'est pas le chien du curé. Je perds l'esprit. Non, remettez-vous, mon pauvre Hector. Je viens de monter au grenier où je n'étais pas retourné depuis samedi et j'y ai trouvé le cadavre du chien que j'avais tué ce jour-là. Ah bon, mais alors? J'avais cru étrangler le chien du curé et c'était un autre chien qui lui ressemblait. Ou même qui ne lui ressemblait pas. En somme, contrairement à ce que vous pensiez, il n'y a pas eu de miracle. Non, il n'y a pas eu de miracle. Hein, vous voilà satisfaite. Alors dites-le, ne vous gênez pas. Hector, je comprends votre désarroi. Mais la vérité n'est-elle pas toujours un bien? Prenez-en bravement votre parti. De ces soi-disant prodiges sur lesquels vous avez fondé toutes vos erreurs, il ne reste rien. Comment rien? Mais non, rien. Vous pensez peut-être à l'apparition de Saint-François. Mais du moment où elle n'est plus cautionnée par le miracle du chien ressuscité, il n'y a aucune raison d'y croire. Mais enfin, ce moine, je l'ai vu, moi, je l'ai entendu. Et après, vous avez vu un moine qui vous a dit être Saint-François. Où est le prodige? C'était peut-être un voisin dont vous aviez tué le chat qui a voulu vous donner une leçon. Ou bien c'était tout simplement une illusion. Ah, mais ce livre, Vie de Saint-François d'Assise... Édition du ciel. Je viens de voir le même dans la vitrine du libraire. Et la couverture portait la mention Édition du ciel. Parfaitement, Édition du ciel. Ah, alors vous aviez raison. Il ne reste rien. Non, rien. Rien. Rien. Hector, je vous vois effondré. Mais si vous saviez à quel danger vous venez d'échapper, vous auriez sûrement moins de regrets. De quel danger parlez-vous? J'ose à peine vous le dire. Quand vous avez parlé de ce miracle, personne n'y a cru. Ah, parbleu, je l'ai bien vu, vous me preniez pour un fou. C'est vrai, Hector. Moi-même, je craignais pour votre raison à tel point que j'ai fait prier un médecin de passer vous voir. Comment? Oui, il sera là tout à l'heure. Vous ne dites rien. M'en voulez-vous encore? Oh, allez-vous me dire que vous persistez dans cet absurde projet d'emmener votre famille dans une roulotte? Eh bien, oui, je persiste. Est-ce donc si surprenant? Ai-je besoin d'un miracle pour aimer mon prochain, pour le servir et pour l'aider à marcher dans les voies du Seigneur? Est-ce que la foi n'y suffit pas? Mais vous n'avez pas l'air de comprendre ce que c'est que la foi. Mais la foi, comment vous est-elle venue? Que voulez-vous que ça me fasse? J'ai la foi. Je ne veux rien savoir d'autre. Peu importe d'où elle me vient. Je crois en Dieu. Je crois en notre Seigneur. Je crois... à Saint-François d'Assise. Je sais qu'à l'heure de la défaillance, ils ne m'abandonneront pas. Je sais qu'ils ne dédaignent pas de se pencher sur ce misérable cœur où j'essaie de retenir l'espérance, la foi et la charité. Et en trouvant ce chien au grenier, j'ai eu un moment d'égarement, j'ai douté. En vous écoutant parler, je me regardais glisser au plus noir de l'abîme et tout à coup, je me suis senti soulevé, hissé vers la vérité et vers la lumière. À présent, je remercie Dieu qu'il n'y ait pas eu de miracle. Heureux ceux qui n'auront pas vu et qui auront cru. Le miracle, c'est qu'il n'y en ait pas eu. Et que ma foi s'en trouve affermie, exaltée. Oh, je voudrais être déjà parti. Tenez, je vais enterrer ce malheureux chien derrière la maison. Hector! Ne voulez-vous pas comprendre mon anxiété? Louise, ma chère femme, ma bien-aimée femme, je me suis trop souvent montré dur avec vous. Votre vie s'est écoulée dans la pauvreté, dans la peine, auprès d'un mari orgueilleux, borné et violent. Oh, cette vie de peine, de pauvreté, nous l'avons partagée. Je ne voudrais pas en avoir vécu d'autre. Ce que vous appelez orgueil et violence, c'était votre courage, votre volonté de surmonter la mauvaise chance. Mais maintenant, Hector, maintenant... Oh, vous avez beaucoup à me pardonner, Louise. Pourtant, je ne pense qu'à vous demander de nouveaux sacrifices. Et je vous aime tant que je n'en ai ni honte, ni regret. Au contraire! Oh, c'est la fameuse roulotte! La comtesse en parlait tout à l'heure à papa. Le comte est vraiment piqué. Je ne vois pas ce qui vous fait rire. Cette idée de partir en roulotte, je la trouve extrêmement poétique. L'espace, la solitude, la nature... Oh non, je t'en prie, on n'est pas en visite. Ici, tu n'as personne à épater. Je n'ai envie d'épater personne. Non, alors tu t'entraînes. Vous êtes deux pauvres idiotes. Bonjour. Ah. Agréable surprise. Deux jours sans vous voir... Je commençais à languir. Ah, vicomte, bonjour. Nous attendons papa qui s'est arrêté sur la place chez un client. Il vient faire une visite à vos parents. Oh, mes parents vont être charmés. Pour ma part, je le suis déjà. Vous vous intéressez à la roulotte? Bien sûr. Elle vous fait rire? Eh bien, riez. Je disais justement à mes sœurs combien je trouve poétique l'idée de s'en aller ainsi dans une roulotte. Oui, moi je la trouve surtout saugrenue. Ça vous amuserait de voir l'intérieur? Oui, mon Dieu. Comme la roulotte est très encombrée pour l'instant, je vous la ferai visiter chacune à votre tour. Venez, Brigitte. Qu'il aurait pu te faire monter la première? Mais non! Nous ne sommes pas encore fiancés officiellement. Il agit avec beaucoup de tact en faisant monter d'abord l'une de vous deux. Tu crois qu'il va t'embrasser quand vous serez dans la roulotte? C'est possible. Comme je dois devenir sa femme, je le subirai. Tu veux dire que ça ne te fera pas plaisir? Oh, je n'éprouve aucune répulsion pour le vicomte. Mais j'en aime un autre. Non! Oh, ça, par exemple! Mais qui est-ce? Un inconnu qui n'a de visage que pour moi. Un être sublime qui vit dans mes rêves et dans mes pensées. À la fois archange et démon. Il est né de ma fièvre poétique. Tu fiches de moi, dis. Chut, voici papa. Bonjour. Mais où est Brigitte? Elle visite la roulotte avec le vicomte. Et pourquoi n'êtes-vous pas avec eux? Le vicomte a expliqué que la roulotte était trop encombrée et qu'il ne pouvait nous faire monter qu'une par une. Oh, chat! Un misérable criminel, fille perdue. Oh, elle n'a même pas pensé à son frère. Oh, chienne! Oh, je voudrais la voir assommée, pendue, étranglée. Lui sortir à Dieu. Idiote! Et vous, crapule! Vous aviez calculé votre affaire, n'est-ce pas? Vous êtes un faurien et un suborneur! Mais qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que votre fils vient de déshonorer ma fille, ma cadette, là, dans la roulotte. Et je peux même dire, sous mes yeux. Et vous n'avez rien fait pour l'en empêcher! Mais je suis arrivé trop tard! Oh, le déshonneur était consommé! Oh, je suis désespéré! Je ne survivrai pas à ma honte! Si encore c'était Evelyne. Mais il a choisi la plus jolie, naturellement. Octave, descendez de la roulotte et pressez-vous. Oh, ici, gredin, voyou, scélérat. Ainsi, vous avez osé lui faire cet affront, mais vous êtes donc possédé du démon. Je suis prêt à réparer. Mais naturellement. Ah, c'est commode. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à faire. Moi non plus. Bien sûr. Ah, vous êtes content, hein, jeune homme? Mais... n'attendez pas que la dot soit aussi importante que celle qu'aurait eue Evelyne. La dot? Mais nous ne voulons pas un sou. Octave et sa femme vivront avec nous dans la roulotte et n'auront que faire d'une dot. N'exagérons rien, Hector. Nous ne pouvons pas imposer à une enfant aussi jeune un genre d'existence dont elle souffrirait sûrement. Ce serait méconnaître l'importance des responsabilités d'Octave. Bien sûr qu'il ne peut pas être question de faire vivre ma fille dans une roulotte. Ah, pourtant, elle le mériterait bien. Vous voyez que dans votre grenier, il n'y a pas que des chiens crevés. Regardez tout ça. Oui, ma chère enfant, j'ai à vous apprendre une pénible nouvelle. À moi? Pendant que vous étiez au grenier, Octave a trahi votre amour et votre confiance. Et comme il a péché avec cette jeune fille, il doit l'épouser. Dites donc, mais il a péché aussi avec moi. Comment ? Octave vous a manqué de respect ? Bah, depuis 10 ans qu'il attendait, il avait des excuses. N'empêche, j'ai la priorité. C'est pas la même chose. Elle est si jeune. C'est une enfant. D'accord. Puisque c'est ça, tu me dois 100 sous. Et t'as de la chance que je t'aimais pas pour de vrai, parce que j'aime mieux te dire que ça se passerait pas comme ça. Que je t'aurais déjà filé une leçon de maintien. Mais pour la langouste, des tocards comme toi, c'est de la petite espèce. C'est du moins que rien du déchet. Quand même, hein, si j'ai un conseil à te donner, c'est de pas rester là devant moi, mais d'aller ailleurs te faire voir. Et tout de suite, t'as compris ? Tocard ! Oh, c'est bon, je veux pas faire d'histoire. Allons-nous-en. Venez, venez, jeune fille, nous avons à parler. Alors nous, on la visite pas, la roulotte ? J'ai plus rien à faire ici. Comment ? Mais vous avez tout à faire. Nous avons besoin de vous. Pensez que dans un quart d'heure, nous partons ? Vous êtes gentil, mais j'ai plus de raison de partir avec vous. Mais Octave ne méritait pas d'avoir une femme telle que vous, n'y pensez non plus. Oh, si je pouvais. À vous, je peux bien le dire. Octave, je l'aimais. Vous me direz, je suis qu'une putain, vous n'aurez pas tort, mais je l'aimais quand même. Puis il y avait aussi l'idée du mariage qui me trottait par la tête. L'idée de faire une fin pendant qu'il était encore temps. Ce que je vous propose, Léonie, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Bien sûr, je dis pas. Remarquez que la Vierge, les anges, le bon Dieu, je serais plutôt pour. Mais j'y crois guère. Ayez confiance. Vous avez découvert le petit pauvre d'Assise, vous découvrirez Dieu. Attendez, laissez tout ça. Oui, donnez-moi tout ça, je vais monter tout ça dans la roulotte. Allez, venez. Monsieur le curé, Octave prétend que c'est en lisant la vie de saint François d'Assise que lui sont venues ces idées bizarres. Et je suppose que le comte a été touché par la grâce. Évidemment, c'est ennuyeux. Oh, monsieur le curé. Non, je veux dire que s'il faut s'en féliciter pour lui-même, on doit admettre qu'il est en train d'en faire un mauvais usage pour les autres. La grâce ne dispose pas forcément à l'apostolat. Si vous pouviez le remettre dans le bon chemin. Oh, vous me proposez une tâche difficile. Ce n'est pas une position avantageuse que d'avoir à combattre les bons sentiments dans le cœur d'un homme. Enfin, je ferai de mon mieux. Ah, monsieur le comte. Bonjour, curé. Vous savez la nouvelle ? Il se prépare un orage d'amour qui va crever sur le monde. Oui, on m'a fait part de vos projets. Je vous avoue qu'il m'inquiète. Faire vœu de pauvreté quand on a la charge d'une famille ne me semble pas un parti très sage. J'ose en effet vous rappeler que vous vous trouvez dans une situation matérielle des plus difficiles. Mais au contraire, elle est des plus faciles. Je suis déjà pauvre et je ne rêve qu'à être plus pauvre encore. J'ai hâte d'user mes vêtements, mes souliers, d'être affamé et grelottant. Oh, n'avoir rien à soi, être tout nu et crier sur les places, venez à Jésus, venez à Dieu, venez avec vos enfants, avec vos femmes, avec vos amants, avec vos bestiaux. N'oubliez ni vos canaris, ni vos pétinois. Allez tous à Jésus. Mais votre zèle m'apparaît des plus respectables. Mais prenez garde d'être présomptueux. Rien ne vous a préparé à la tâche que vous prétendez assumer. Vous pouvez vous tromper et entraîner les autres dans l'erreur. Même si je reste fidèle, humblement fidèle, à l'enseignement de l'Évangile ? Malheureux, mais comment serez-vous si vous lui êtes fidèle ? L'Évangile est une nourriture qui a besoin d'être accommodée comme toutes les nourritures. Et l'Église seule a compris la nécessité de protéger les fidèles contre les paroles du Christ. Elle seule sait les retenir sur la pente des interprétations dangereuses. Je n'ai pas l'intention de me priver des lumières de l'Église. Ah, tant mieux. Mais l'Église se méfie des francs-tireurs. Et à juste titre. D'autre part, en ce qui concerne les miracles. Ah, là, vous aviez raison. Et je m'étais trompé, il n'y a pas eu de miracle. Vous n'y croyez plus. Non, pas celui-là. Mais je crois aux miracles passés et à venir, car il y en aura encore, j'en suis sûr. Il y en aura jusqu'à la fin des temps. Et je ne désespère pas qu'un jour Dieu me favorise d'un miracle. Ce n'est pas que j'en ai besoin pour assurer ma foi, je n'en suis plus là. Mais je voudrais pouvoir en témoigner à la face du monde. Oh, de quelle ardeur je témoignerai. Et ce miracle-là, je le proclamerai d'un bout à l'autre de la terre, par les villes et par les campagnes. Et on m'entendra gueuler dans les rues et au carrefour et sur les places. J'en étourdirai les passants, les hommes et les femmes, et les curés aussi. Et pour ceux qui oseraient douter, pour ceux qui oseraient ricaner, ah, là, je me charge de leur frotter les oreilles. Mais vous ne changerez jamais. Ni la foi, ni la charité, ni François d'Assise, n'y feront rien. Vous resterez l'homme violent, excessif, intransigeant que vous avez toujours été. C'est ce qui me fait peur pour vous, monsieur le comte. Qui sait si vous n'allez pas dans un mouvement de charité inconsidéré, vous enflammer pour des idées soi-disant généreuses et... disons le mot, révolutionnaire. Et pourquoi pas? Il y a tant d'injustices dans le monde. Ah, j'en étais sûr. Vous voilà déjà parlant justice et injustice. Mais sachez-le, notre Seigneur lui-même ne fondait aucune espérance sur la justice de ce bas monde. Ce n'est que dans l'au-delà que la veuve et l'orphelin peuvent compter sur lui. Curé, vous êtes en train d'interpréter les évangiles. Louise! Il est temps de nous préparer. Monsieur le comte, je crains bien qu'à votre insu, le démon de l'orgueil ne se dissimule déjà derrière vos bonnes intentions. Est-ce que Dieu, dans le cœur des hommes, ne réserve pas toujours la part du démon? Ah, hein, voilà le docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le comte. Comment vous portez-vous? Bonjour, docteur. Je me porte bien. Je me porte même tout à fait bien. Je vous trouve pourtant mauvaise mine, comme si vous étiez surmené. Je suis en effet surmené, plus encore que vous ne pensez. Je suppose que les soucis ne vous manquent pas. On m'a dit que vous pensiez à marier votre fils. C'est-à-dire qu'il avait eu la chance de découvrir une femme exceptionnelle, un trésor d'humilité qui couchait avec les soldats pour 100 sous. Oh, 100 sous! Oh, c'était bien la bru rêvée. En effet. Vous êtes de mon avis, docteur, j'en suis heureux. Et c'est aussi votre opinion que je suis un démon. Vous pensez qu'il faut qu'un homme soit hors de sens pour vouloir marier son fils à une prostituée, pour refuser la fortune et vouer sa famille à la mendicité? Eh bien, vous avez raison, docteur, je suis fou. Oui, je suis fou d'espérance, je suis fou d'amour, je me sens brûlé d'une tendresse insensée pour tout ce qui vit, pour tout ce qui souffre et qui frémit dans ce monde et dans l'autre. Il me semble que ma poitrine de brute n'est plus assez large pour contenir ce grand amour de Dieu et de ses créatures. D'avoir tant rêvé au petit pauvre d'Assise, la folie est entrée en moi. Je me suis donné à Jésus et je suis fou d'amour. Votre mari est très atteint. Mythomanie, perversion mentale, régression anormale de l'instinct de propriété, confusion des valeurs sociales, c'est très grave. Non, docteur, vous vous trompez. Vous ne comprenez rien au changement qui s'est opéré en lui dans ces derniers jours. Regardez! Regardez! Le petit pauvre d'Assise dans sa robe de sainteté! Deux anges se tiennent à ses côtés! Oh! À genoux! Tous! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une folie contagieuse! Mais je ne vois rien du tout. Et moi qui ai la vue basse, j'ai justement oublié mes lunettes. Oh, au fait, tiens, c'est ce que je dirais à Monseigneur, que j'avais oublié mes lunettes. Excellente idée. Mais je me demande ce qu'ils peuvent bien voir. Je vais tout de même m'approcher. Toujours rien. Adorable vision, le plus doux des serviteurs de Dieu, le plus humble et le plus glorieux des pauvres, bénissant notre roulotte de mendiants. Oh, vous avez vu les anges, ils ont attelé le cheval à la roulotte. Et le cheval, il a mangé dans la main du petit pauvre d'Assise. Et le saint lui a caressé l'encolure. À présent, tout est clair, tout est simple. Moi aussi, j'ai hâte d'être pauvre et de prêcher l'amour. Debout! Allons témoigner! Pressez-vous, voyons! Si les anges ont eux-mêmes attelé le cheval, c'est qu'il nous faut partir sans tarder! Allez! Là! Au lieu! Là! Un singulier chargement! Une fille publique? Un avoué sans aveu? Un docteur à moitié fou? Les emportements de la foi et de la charité, c'est très joli. Mais je voudrais bien savoir ce que ce mélange-là aura donné dans un mois.